Chouchette de volonté, viens nous faire un tour à l'envers. Il y a des chouchettes de volonté, viens nous faire un tour à l'envers.